En été à la cité, j'ai le maillot du Napoli. Je croise des pères de famille alcoolique. Je suis en banlieue à Malpoli. Je leur mets des gros wads. Je ne veux pas de leur wad. Je suis sur le toit d'Universal. Je me roule un gros teint. Full option Maserati. Je suis bourré au volant. Grosse ville, chien méchant. Ma deuxième mère, c'est la violence. Mon pied pèse 3 tonnes. Sur l'accélérateur. Et quand je baisse la vitre, il s'échappe des vapeurs. Mon voisin me prend pour un dealer. L'argent noircit les cœurs. Besoin de me recharger. Comme un fusil mitrailleur. On me choisit pas son cercueil. J'ai vidé la bouteille. On veut des billets purple. Et des putes sans cervelle. Dans son chaveau. J'suis dans les bouchons quand les ouvriers font la grève. Frérot pour 500 euros. Y'a toute une famille qui peut relever la tête. Comme Gennaro et Chilo. Des histoires de traîtres. Des histoires de traîtres. Frérot pour 500 euros. Mais à côté des toilettes, galéré par les barons de la drogue, parrainé par elle. Galéré par les barons de la drogue, parrainé par elle. Je sors du car wash, j'appuie sur le bouton start. L'habitude de rouler trop vite, des problèmes dans la cabeça. Je me frite comme la Belvia, je suis un enfant de la Hasra. On fait avec, on se débrouille. Les 30 derniers jours du mois. Cagoule sur la tête chez Philippe Poitec. La rue et moi c'est comme Jean et Canette. De la pauvre sur la palette. Une enveloppe de cash pour mon avocat car il connaît bien le juge. Il me reste une balle dans la chambre. Même si le chargeur est vide. La canne à la salade. Comme le roi de la jungle dans le quartier je me balade. Cette nuit je croisais la mort sur le boulevard. Le boulevard. J'ai pas vu ses yeux porter un casque de gueule. VH. Sans son chevaux. J'suis dans les bouchons quand les ouvriers font la grève. Frérot pour 500 euros. Y'a toute une famille qui peut relever la tête. Comme Gennaro et Chilo. Des histoires de traîtres. Des histoires de traîtres. Frérot pour 500 euros. Mais à côté des toilettes.